Bon, alors. Cresson, école d'hiver 2020. Ouais, bah, du coup, je vais prendre un peu ma version. Théo Marchal. C'est un peu, d'une certaine manière, je reviens sur des choses qui m'ont intéressé il y a quelques années et que je trouve toujours assez pertinentes. Et notamment dans mon diplôme de fin d'études d'architecture, c'est la question de la dimension et de la taille du son dans l'espace, en fait. Et je trouvais que c'était un point intéressant à interroger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'espace, si on prend la question de l'espace, si on repart de la question de l'espace, on l'appréhende beaucoup à travers sa dimension. Quand on est quelque part, on l'appréhende à travers sa dimension. Et ce que je trouvais intéressant, ça rebondit sur ce qu'a dit Nicolas avant par rapport au point d'écoute, au fait d'être écoutant. Ce que je trouve intéressant, c'est que la première manière qu'on a, le premier rapport qu'on a d'appréhender la dimension d'un espace, c'est à travers notre corps. On appréhende ça de manière relative, en fait. On a une dimension étalon qu'on emmène partout avec nous et qui nous fait nous sentir dans un espace plutôt grand, plutôt resserré, plutôt haut, plutôt bas, etc. Et ça, c'est... Voilà, c'est une sorte de comparaison qu'on va faire, on pourrait dire ça comme ça, une comparaison entre notre corps et l'environnement qui nous entoure. Et ce que je trouve assez pertinent là-dedans, c'est que voilà, c'est une comparaison, c'est relative, et que c'est quelque chose que je trouve qu'on retrouve assez bien quand on va parler de son, et quand on va parler notamment d'espace sonore. C'est que la question de la mesure et de la valeur absolue, en soi, elle a une importance hein, pour qualifier, mettre en place des critères, etc. Trouver des règles qui soient communes et applicables, un peu, comment dire, on va dire, qu'on puisse répéter. Mais dans l'expérience réelle, ce qui compte le plus, ce n'est pas vraiment cette mesure absolue, c'est celle de la mesure relative. Et quelle expérience on va avoir quand on passe d'un espace à un autre ? Par exemple, qu'est-ce qu'on va entendre en passant de cette pièce à la pièce qui est juste à côté, et quel effet ça va nous faire dans notre perception et dans notre écoute. Alors, là, par rapport à ça, si on appréhende plutôt bien les dimensions de l'espace, hein, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a l'habitude de faire, mais du coup, la dimension du son, c'est quelque chose qu'on interroge un peu moins, et c'est un peu une piste que je voulais lancer aujourd'hui, enfin ce matin, parce que je me dis que potentiellement c'est quelque chose qu'on pourra travailler ensemble. C'est une piste de dire, est-ce qu'on peut parler d'échelle du son ? Est-ce qu'on peut parler de rapport de taille entre les sons ? Et est-ce qu'on peut parler de distance du son ? Donc ça, c'est des choses... Comment ça fonctionne ? Alors qu'on parle quand même d'ondes. Donc c'est, effectivement, il y a une vibration de la matière, mais ça reste de l'intangible, entre guillemets. Enfin, c'est pas du physique construit, quoi. Alors, dans la considération un peu commune qu'on peut avoir du son, du rôle du son dans l'espace, souvent on prend en compte le son comme une qualification d'un objet. Souvent on va considérer voilà, par rapport à sa source. J'entends une radio, j'entends une voiture, j'entends quelqu'un qui chante. Donc on va considérer le son pas pour son événement propre et physique, mais plutôt comme qualificatif d'un objet. Là, ici, pour réfléchir aux dimensions du son, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est justement de comprendre ces sons-là comme des éléments propres et d'essayer de voir comment ils fonctionnent dans l'environnement qui nous entoure en tant qu'éléments propres, au-delà de la source qui les émet. Et donc, par rapport à ça, comment ils vont s'articuler ? Et donc, ça va nous permettre d'extraire des choses, par exemple, comment ils vont s'articuler à des spécificités morphologiques de l'espace ou des spécificités matérielles, etc. Alors, pour illustrer ça, rapidement, j'aimerais bien qu'on écoute. Je vous ai préparé trois très courts enregistrements qui ont été enregistrés ici, dans l'école d'architecture de Grenoble, donc dans différents espaces de l'école, avec des étudiants qui sont en licence 2 et qui ont fait les expériences de faire sonner les espaces. Et donc là, vous allez entendre le rapport entre son et espace, et notamment ces fameux indices de dimensionnement ou ces indices de morphologie dont je vous parle, et de matérialité. Donc le premier son, là il va y avoir deux enregistrements à la suite. Un premier enregistrement qui va être sur des claps, en fait des clapements de mains. Donc c'est toujours la même source. En fait, là je vous parle encore, hein, je refais le biais de revenir à la qualification de la source, mais c'est toujours la même source qui est émise à différents endroits, et puis après on a la même chose avec une voix. Et puis après on verra, on refera le même exercice avec un instrument de musique. Donc on va écouter ce premier enregistrement-là. C'est la même chose avec de la voix, en fait. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Donc maintenant, on va... Donc vous voyez que là, déjà, on commence à extraire un peu des indices sur l'espace dans lequel sont émis ces sons. On va écouter la même chose avec une trompette, cette fois. Là, vous avez les... Au début, je voulais pas les mettre, puis je me suis dit, ah, je vais quand même mettre les photos. Donc, vous avez les 6 espaces que vous venez d'entendre à la trompette, là, enfin, avec une trompette qui joue dedans. Donc, c'est des enregistrements qui ont été faits avec un portable, avec un téléphone portable. Il y a vraiment aucune... Le but n'est pas du tout d'aller chercher la qualité, la pureté de l'enregistrement, d'avoir quelque chose de très, très précis, de faire, comme je vous disais, des mesures absolues. Le but, c'est d'avoir des comparaisons entre les espaces et de pouvoir, à l'écoute, se rendre compte des différences qui vont s'opérer. Alors forcément, on n'a pas la précision de captation qu'on aurait avec un microphone professionnel. Il y a plein d'informations qu'on perd. Mais mine de rien, il y a plein d'informations qu'on garde aussi. Et vous l'avez entendu comme moi, hein. La différence entre la trompette dans la bibliothèque ou dans la cage d'escalier, elle est flagrante. Et pas seulement en termes de quantité de réverbération. Il y a plein d'autres informations qui font qu'on sent les qualités, on met au sens global du terme, les qualités de l'espace, quoi, de l'espace sonore. Et on voit bien ici que même si les 3 sons que vous avez entendus, donc les clapements de main, les voix et la trompette, même si ces 3 sons, c'est des sources complètement différentes, ce qui nous intéresse, c'est pas d'identifier la source, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est surtout d'extraire les informations, enfin surtout, en tout cas, ça pourrait être d'extraire les informations de morphologie et de matérialité, et donc de dimensionnement de l'espace. Donc directement par la présence spatiale du son et directement par la... Par la présence spatiale du son dans l'espace, et du coup par la partie prenante qui l'occupe au sein des ambiances de cet espace, parce qu'en fait c'est une articulation de choses. Là on n'a que le son, après vous avez l'image qui s'affiche, avec l'image on commence à avoir un peu plus d'indices, puis quand on y est vraiment, il y a plein d'autres informations sensibles qui viennent alimenter cette lecture et cette appréhension de l'espace. Alors, si on continue dans cette posture-là, parce que d'un coup, là, c'est le dimensionnement, on va dire, morphologique et métrologique. Si on continue dans cette posture-là de considérer les sons comme des éléments propres, et donc plus comme des qualités d'objets, je voudrais essayer d'aller un peu plus loin dans les indices et les interactions que ça peut avoir avec les dimensionnements de l'espace. Je parlais tout à l'heure d'un rapport entre taille et distance. Et c'est quelque chose que j'avais aimé appeler le proche et le lointain sonore, en fait. Quel rapport il peut y avoir entre des sons proches et des sons lointains, et puis qu'est-ce qui se passe entre les deux. Alors, concrètement, si on reste un peu dans les... clarifier ça, si on reste un peu dans les critères physiques de perception, quels critères physiques nous permettent de dire qu'un son est plus ou moins loin, plus ou moins proche ? Pour simplifier, on pourrait dire qu'il y en a quatre. Le premier critère, ça va être la réverbération. Le rapport entre la réverbération, c'est-à-dire le rapport entre le son direct et le son réverbéré. Ça constitue une information capitale, majeure même dans notre compréhension des distances. L'idée, il n'est pas question que de plus ou moins de réverbération, mais c'est aussi la durée de la réverbération, la forme de la décroissance, est-ce qu'elle décroît de manière linéaire, pas linéaire, etc. Également la densité de son direct et de son réverbéré, et sur quel intervalle temporel. Est-ce qu'il y a des sons réverbérés plus ou moins rapprochés ou plus ou moins éloignés les uns des autres. Ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental dans la perception des distances et qui a été notamment éprouvé dans des recherches qui ont été faites, je crois que c'est en 2000 ou 99, donc c'est assez ancien, sur des perceptions de l'espace virtuel et comment on percevait les distances dans l'espace virtuel. Et le critère principal qui faisait que les gens citaient comme « oui, je sens le son plus ou moins proche ou plus ou moins loin », c'était ces qualités de réverbération-là. Le deuxième critère qu'on peut amener, ça va être ce qu'on peut appeler la présence, entre guillemets. Donc la présence, c'est... alors évidemment, elle accompagne la variation d'intensité. Hein. Ça, c'est évident que la variation d'intensité, c'est un critère aussi. C'est-à-dire, forcément, plus un son est proche, plus il va être fort, plus il est loin, moins il est fort. Mais cette variation d'intensité, elle s'accompagne de la présence. Et la présence, ça correspond à quoi ? Ça correspond en fait à une bosse dans les fréquences, pour faire simple. Et donc, cette bosse dans les fréquences, elle va influer notre perception de la proximité d'une source, selon sa fréquence et selon l'intensité de cette bosse. Le troisième critère, si j'avance un peu, c'est de manière plus globale la variation fréquentielle du son. Donc, on le sait, hein, plus un son est lointain, plus il va perdre des caractéristiques auditives, notamment dans les hautes fréquences. C'est en grande partie lié au fait que les hautes fréquences sont plus facilement réverbérées par les obstacles physiques. Et donc, plus on est loin, plus on doit franchir des obstacles physiques. Et donc, du coup, les hautes fréquences sont plus facilement freinées que les basses. Et donc là, on a une variation des fréquences du son qui se fait. Et donc plus on s'éloigne, plus on va avoir ce qu'on peut appeler un high cut, en fait. On va couper des informations dans les hautes fréquences et on va baisser l'intensité des hautes fréquences. Et puis le quatrième point, qui est assez fondamental aussi, c'est les relations de masque. C'est-à-dire que sur des fréquences similaires, les relations de masque, elles vont venir souligner des sons de forte intensité par rapport à des sons de plus faible intensité, qui vont se retrouver masqués par les sons de forte intensité. Et donc, on pourrait presque dire qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime bien employer, c'est que les relations de masque, elles vont avoir tendance à élargir ou aplatir la perspective. En gros, pour prendre un exemple, hein, mais les sons de faible intensité, ils vont souvent... En tout cas, on pourrait le considérer comme ça, ils vont souvent être associés à la construction d'un espace sonore plus minutieux, à des détails plus minutieux de l'espace sonore. Et notamment, par exemple, des sons domestiques très faibles, ou alors des émergences très lointaines, qui du coup, comme elles vont être lointaines, elles vont être aussi beaucoup plus faibles que l'environnement sonore global. Et pour prendre un exemple, on l'a entendu tout à l'heure dans le son que vous a fait écouter Nicolas Rémy. Quand il y a le bus, je ne sais plus, thermique, je crois qu'il est thermique, qui passe pendant la scène en Allemagne, là, sur la scène sonore, en fait, ça aplatit complètement la perspective. Parce qu'en fait, ça vient masquer les sons de plus faible intensité, et donc les sons proches et lointains viennent être masqués dans cette masse sonore. C'est la même chose si vous êtes à votre fenêtre et que vous entendez votre voisin manger, et puis vous entendez la personne dans la rue qui discute, et puis il y a le moteur du facteur qui tourne en bas, et puis à ce moment-là, il y a un camion de pompiers qui passe. Et ben en fait, tous ces calques de dimension, ils vont être aplatis au moment où le camion de pompiers passe, parce qu'en fait, c'est cette émergence-là qui va faire masque par rapport aux autres informations. Donc les relations de masse sont très très importantes dans la perception des dimensions et du proche et du lointain en tout cas. Alors pour illustrer ces deux notions de proche et de lointain sonore, j'ai deux extraits à vous faire entendre. On va écouter le premier. Alors ça, c'est un enregistrement qui a été fait la colline, la colline de la Bastille. il y a un mont en fait au nord de Grenoble qui s'appelle sur lequel il y a un édifice qui s'appelle la Bastille, qui est un édifice de défense. Et en fait, ça a été fait à mi-hauteur sur cette colline-là, cette montagne. Je ne sais pas comment on pourrait la qualifier. On est à peu près à, je pense, 80 mètres, 100 mètres par rapport au niveau de la rivière. Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez dû passer peut-être à côté de l'Isère, si vous êtes arrivé en train ou en voiture. Je pense qu'on passe à côté. Et donc, voilà, on est à peu près 80 mètres au-dessus, dans un bâtiment. Peut-être tu peux passer la salle d'après. Il y a une photo, je crois. Voilà. Donc, on est exactement à cet endroit-là. Et on entend... après, on va écouter un autre type de rapport de distance. Mais là, effectivement, on est en hauteur. Donc, il y a un détachement qui s'opère. Mais on entend de manière très nette un rapport de distance horizontal qui va se faire par rapport à ce que je vous disais. Donc, il y a des sons très proches. Les gens qui passent, la laisse du chien, etc. Même les bruits de l'opérateur, en l'occurrence c'est moi, mais du microphone, un peu, des fois on entend un peu des frottements, etc. Et puis on a ce fond sonore continu là, cette rivière de trafic motorisé. Et puis par dessus, il y a des choses qui viennent se rajouter de manière qui sont plus ou moins proches ou plus ou moins lointaines. Par exemple, il y a la symphonie un peu des cloches qu'on entend, qui est tout à fait pertinente par rapport aux enjeux de distance, cette perception de proche et lointain, parce qu'on en entend une qui est très loin, qui commence, puis après il y en a une autre qui prend le relais, qui est un peu plus proche, puis après il y a celle qui est encore plus proche, l'église la plus proche de nous, en fait, qui est juste à côté, je crois qu'on la voit sur la photo, qui elle se met aussi à sonner. Et puis après elle s'arrête en décalé, forcément elle sonne le même nombre de coups, donc il y en a juste une qui est un peu en avance. Et donc ça montre les trois plans des trois églises qui sont positionnées dans le territoire, en fait, elles apparaissent dans l'espace sonore qu'on entend. Et donc ça, c'est assez intéressant de le noter, en fait. Donc on note un rapport, je vais avancer pour qu'on passe au deuxième fragment, mais on note un rapport vraiment du territoire jusqu'à l'environnement immédiat, en passant par le quartier, en passant par la ville, etc. Il y a plein d'indices qui font une composition, en fait c'est une composition, mais une composition qui nous donne des indices sur l'espace et les dimensionnements. Donc on va écouter le deuxième et le dernier fragment. Alors là, vous avez pu entendre peut-être quelques petits artefacts parce que ça, il s'agit d'un montage en fait. C'est pas une prise de son continue. C'est un montage qui a été fait pendant une école d'hiver d'ailleurs, en 2016. Je crois que c'était en 2016. Et en fait, ce que vous avez entendu, c'est une prise de hauteur, tout simplement. Donc on part du sol. On est. Tu peux peut-être mettre. Je crois qu'il y a une photo aussi. On part du sol. On est dans le quartier juste à côté, là, à la Villeneuve. On part de tout en bas, donc quasiment nez à nez avec la cour d'école, et puis on monte jusqu'en haut. Et petit à petit, donc y a un montage, il y a un effet de fondu entre chaque prise, etc. Mais petit à petit, on se détache. Et on a un changement de perspective complet, en fait, et avec un environnement immédiat qui se trouve réduit à juste ses propres gestes et sa voix. Et puis un espace sonore très vaste, qui va finir par englober figure et fond, quoi. Il y a plus de, ça devient quelque chose de très vaste qui englobe la totalité des informations. Voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais finir en disant que il y a plein de choses à dire hein, sur les pistes d'exploration qu'on peut avoir par rapport à ça, comment les articuler au vécu quotidien notamment, parce que c'est quand même un peu ce qui est intéressant, pas de travailler sur, enfin comment ça peut être travaillé dans le rapport au quotidien. Et puis aussi, je pense, une piste intéressante, c'est l'articulation à la totalité de l'environnement, c'est-à-dire aux autres sens, c'est-à-dire la thermique, l'olfactif, l'haptique, et évidemment le visuel, qui vont eux aussi rentrer en compte quand on va évaluer ces rapports de distance et ces rapports à l'espace. En fait, là, on focalise sur le sonore parce que c'est l'objet, mais en fait, c'est quelque chose qui est toujours en interaction continue. Et justement, on va constater aussi des choses assez similaires. C'est ça qui est intéressant. Quand vous regardez l'expérience d'habitat en hauteur, par exemple, si on revient à l'habitat, parce que c'est peut-être quelque chose qui va nous occuper, si vous regardez les expériences d'habitat, quand vous allez habiter, par exemple, en hauteur, donc très haut, vous allez prendre de la distance avec les émergences de la ville. Et les sons proches, qui sont habituellement ceux du sol, ils vont se trouver déplacés sur une couche beaucoup plus lointaine. Et alors que les sons domestiques, eux, ils vont persister dans l'environnement sonore immédiat. Donc il y a un décalage qui va s'opérer. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi au travers des autres sens. C'est-à-dire que les rapports olfactifs, les rapports thermiques, les rapports aéroliques, quand vous allez prendre de la hauteur, ils vont complètement changer. Et vous allez être dans un dégagement sensoriel différent, enfin, complètement différent de celui que vous allez avoir quand vous êtes au sol. Dans les premiers étages d'une habitation, on va retrouver, si on revient sur le son, on va retrouver des indices, par exemple, j'ai noté là des exemples à vous donner, mais une discussion de rue, par exemple, de personnes qui discutent dans la rue, si vous êtes au deuxième étage, troisième étage, vous les entendez très très proches. Une sonnette de vélo, un vélo qui passe et qui met une sonnette, ou je vous disais tout à l'heure, la camionnette du facteur qui laisse son moteur allumé. Si vous êtes au premier étage de l'habitation, au deuxième, au troisième, ça va faire partie de votre environnement proche. Et au contraire, vous allez être peut-être un peu moins immergé dans le très lointain, continu. Et au contraire, le très lointain va plutôt faire office de repère ou d'émergence très, très ponctuelle qui vont apparaître dans le temps, dans la journée, dans le mois. Une sirène, une cloche, soyons pas catastrophistes, mais on est à Grenoble, il y a un réacteur nucléaire, par exemple. S'il y a un accident sur le réacteur, ça c'est par rapport aux temporalités, hein, je veux dire. Il y a les temporalités dans la journée, dans le mois, mais il peut y avoir des temporalités sur les 10 ans ou sur les 50 ans. La sirène d'alerte radioactive, personne ne l'a jamais entendue. Mais peut-être qu'un jour, elle va se déclencher. Et du coup, ça a un indice dans le territoire, etc. Non, mais c'est voilà, pour mettre des rapports par rapport à ça, quoi. Et donc, forcément, notre positionnement dans l'habitat et dans l'espace global, donc là, je parle urbain, mais c'est aussi valable quand on est dans une pièce comme celle-ci, hein, et ben, il va transformer nos rapports aux dimensions et aux morphologiques. Voilà. Je vais m'arrêter là.